Ta maison et ta voiture, tu ne vis que dans les livres. La passion, elle est impure. Quand la chance t'abandonne, que les portes sont fermées, les chansons que tu fredonnes te permettent de rêver. On t'appelle vagabond, le clochard, le sans-logis. On ne connaît pas ton nom, comme toi, il est parti vivre un jour dessous les ponts, oublié de tes amis. Le chemin paraît si long quand on est seul dans la vie. Ta guitare en bandoulière, à l'épaule ton sac à dos, joue les airs que tu préfères dans les couloirs du métro. Les 3 sous que l'on te donne te permettent de survivre, chantant ton dégoût des hommes. Le public aime ton délire. Et on t'appelle le vagabond, le clochard, le sans-logis. On ne connaît pas ton nom, comme toi, il est parti vivre un jour dessous les ponts, oublié de tes amis. Le chemin paraît si long quand on est seul dans la vie. T'as trouvé sur ton chemin l'ignorance et le mépris des gens qui ne savent rien de tes joies, de tes envies, de te voir tendre la main. Devant toi les regards fuient. Il me semble que la faim n'est pas une maladie. On t'appelle le vagabond, le clochard, le sans-logis. On ne connaît pas ton nom, comme toi, il est parti vivre un jour dessous les ponts, oublié de tes amis. Le chemin paraît si long quand on est seul dans la vie. Dans la vie.